Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude. Et comme à l'habitude, évidemment, on plonge dans l'univers du 9e art. C'est pas pour rien que l'émission s'appelle La Vie en BD. Et entre autres sujets cette semaine, on avait fortement envie de vous amener sur le terrain de la bande dessinée Memoria de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement. C'est une réédition en fait, donc une bande dessinée qui avait été publiée en des temps jadis, en 1999, il y a 20 ans, du côté des 400 coups. Une bande dessinée de science-fiction à une époque où il y avait peut-être un peu moins de bande dessinée d'ailleurs de science-fiction, à une époque où il y avait peut-être un peu moins de BD adultes en mode production québécoise évidemment, donc on se reporte quand même il y a un certain temps, et une bande dessinée, donc que trop de gens peut-être ont échappé, et fort heureusement la situation des droits aidant, les éditions La Pastèque donc ont réédité cet ouvrage, le rendant accessible et disponible à une nouvelle génération de lecteurs, autant que des anciens qui avaient envie peut-être de reprouver cet album, et donc on aura l'occasion d'en jaser avec Jean-Paul Hyde dans quelques instants. J'ai l'impression peut-être un peu en deux temps, donc de voir d'un côté le contexte de réédition, et de l'autre évidemment de parler, de détailler, d'explorer le contenu de l'album. Donc ça, c'est en deuxième moitié d'émission, et en deuxième moitié d'émission, il y aura Stéphane Gravel qui sera avec nous. Et Stéphane, puisque tu es déjà en studio, je profite pour te demander, dans le fond, tu nous amènes un peu en deuxième moitié, donc sur le terrain des personnages BD qui ne meurent jamais, donc ceux qui ont une existence éternelle au-delà de leurs auteurs, et parfois même au-delà de leurs éditeurs. J'ai l'impression tout d'un coup que c'est un peu comme moi ça, Raymond. Je regardais, je te ponais mes petits pitons, mes écouteurs, et je meurs pas non plus. Mais oui, c'est ça. Je trouve que il y a deux pendants très différents dans la bande dessinée au niveau de l'approche auteur et personnage, les Américains, les Européens. Et là, avec la sortie du nouveau Blueberry, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir justement à ça. Ces héros qui ne meurent jamais, ou qu'est-ce qui arrive avec les héros quand les auteurs, eux, disparaissent. Alors, ce sera en deuxième moitié d'émission, donc cette réflexion intéressante, évidemment. Alors, voilà, donc c'est pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et côté musical, évidemment, on reste dans la 8-bit, comme à notre habitude. Et on reste un peu dans nos intérêts des dernières semaines avec la formation Trash 80. On écoute un premier extrait. Je vous rappelle que La Vie en BD est disponible sur podcast, sur Balado Diffusion, donc à lavieenbd.wordpress.com. Également, vous pouvez nous trouver et nous joindre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Alors, tel qu'annoncé, on se plonge donc dans cette réédition de la bande dessinée Memoria, donc une bande dessinée de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement. Ça se retrouve du côté des éditions de La Pastèque. Et pour en jaser, Jean-Paul Hyde est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, d'emblée, en fait, on est quelques 20 ans après sa publication initiale, donc la bande dessinée Memoria qui nous revient en intégrale du côté de La Pastèque. Qu'est-ce qui a mené un peu à cette réédition-là? J'imagine d'un côté, il y a des questions plus de poussée administrative, des droits et le reste, et de l'autre côté, un désir de votre côté rendre disponible à nouveau ce contenu-là? Donc, c'est un projet qui est réapparu il y a plusieurs années. Il y a plusieurs éditeurs qui étaient intéressés à le refaire. C'était, je pense, un peu dans l'air. Beaucoup de gens trouvaient qu'il y avait encore de la place pour faire redécouvrir cette œuvre-là. Et, ben, écoute, de fil en aiguille, on a travaillé là-dessus. On a dû même rescanner des pages parce qu'on avait perdu les fichiers originaux. Moi, j'avais gardé les planches originales. C'est passé de main en main et finalement, on s'est retrouvé en fait, avec l'échéance du contrat, à être un petit peu joueur indépendant, si tu veux. Puis là, ben, on est allé voir la Pastèque, qui eux autres, ben, comme ils avaient déjà dans leur fond La femme aux cartes postales, étaient quand même intéressés d'avoir l'autre titre des auteurs de La femme aux cartes postales. D'autant plus que ça fait 20 ans que c'est ça a apparu. Donc, 20 ans, c'est presque un peu l'âge de La Pastèque, là, parce que c'est apparu à peu près en même temps que la Pastèque publiait leur tout premier album. Il y a quelque chose de particulier, évidemment, dans le sujet de la bande dessinée, dans le traitement qui en est fait, qui fait que d'un côté, à mon sens, en fait, comme lecteur, je veux dire, tu me dirais pas, ça a été fait il y a 20 ans, je croirais que ça a été fait récemment. Et dans le sujet, dans le fond, donc, où on va chercher justement des mondes virtuels, des réalités parallèles, dans sa préface, Jean-Dominique Leduc fait référence à des films comme The Matrix ou Existence, et nous rappelle que cette bande dessinée-là est arrivée un peu avant et disons, à l'avant-garde de cette tendance narrative-là? Oui, en fait, c'était dans l'air. On s'en rendait pas vraiment compte à l'époque. L'idée de réalité virtuelle existait, on en parlait, mais c'était encore un peu une vue de l'esprit. Les ordinateurs n'étaient absolument pas à la hauteur des aspirations qu'en avait la science-fiction. D'ailleurs, même moi, j'ai dû vraiment faire des recherches pour essayer de comprendre un petit peu de quoi pouvaient avoir l'air les casques pour la réalité virtuelle, pour me faire un peu une idée là-dessus. Mais ceci dit, l'idée des mondes factices, tout ça, c'est quelque chose qui date. C'est que c'est bon, Philip K. Dick, qui voyageait à travers des mondes artificiels qui était souvent dû à des absorptions de substances hallucinogènes. Là, avec la réalité virtuelle, nous autres, ça nous donnait un ressort particulier, technologique, qui l'inscrivait dans la science-fiction. Et donc, à peu près en même temps, sont sortis coup sur coup plusieurs films qui sont venus établir ce que serait, ce qui est devenu pratiquement un genre. Ces espèces de films-là où les histoires sont un peu comme des poupées russes, les univers sont contenus les uns dans les autres et on donne un peu le vertige au lecteur où il perd pied en s'apercevant que ce qu'il y a autour de lui est factice, est faux, est fictif. Mais donc, c'est une architecture de scénario qui existait déjà beaucoup. C'est juste que l'arrivée de la réalité virtuelle a donné vraiment un nouvel essor à ce genre d'architecture-là. Oui, effectivement. En fait, quand on parle d'archétype, on est dans le vieux mythe de l'invention qui se tourne contre son créateur aussi à travers tout ça. Oui. Mais d'un point de vue narratif, vous et Claude Paiement, vous l'abordez aussi du point de vue de l'invention, là, évidemment. Du point de vue de l'invention, c'est-à-dire, oui, nous autres, on a vraiment, je pense, ce que je trouve très particulier dans notre histoire et dont je suis assez fier, c'est qu'on a donné vraiment la parole à un personnage qui n'existe pas. C'est pas juste le double d'un personnage qui existerait ailleurs. C'est vraiment un personnage qui n'a pas d'existence, qui a été créé dans un studio d'animation pratiquement par des programmeurs. Et donc, ultimement, ça voudrait dire qu'on a ces entités-là qui, le jour où elles se rendent compte qu'elles sont fictives, commencent à exister, en fait. Et c'est l'homo sapiens, tu finis par avoir une existence à partir du moment où tu te rends compte qui tu es. Et donc, c'est tout le rapport aussi là entre la créature et le créateur, un peu le mythe de Frankenstein. Et aussi à travers ça, la question métaphysique de Dieu. Est-ce que l'homme qui regarde Dieu et chacun se pose la question, le qui a créé qui? Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui a créé Dieu? Et là, dans notre cas, c'est est-ce que c'est la machine qui est la créatrice de tout cet univers-là, qui est capable de générer ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle a pu être créée par quelqu'un d'autre ou c'est elle qui a créé l'homme? Et fait que c'est un espèce de jeu de miroir, une mise en abîme, l'abîme qui était en fait le titre d'un des deux tomes initiaux du diptyque. C'est ça, c'est l'ultime mise en abîme existentielle, je dirais, que de l'histoire de l'homme. Oui, puis c'est surtout dans un contexte, quand on parlait du fait que la bande dessinée n'a pas pris une ride, et je pense que Jean-Paul Hyde, on l'amène bien dans ce que vous venez de dire, dans le fond, l'idée qu'à un moment donné, on ne sait plus qui a programmé quoi, et au bout du compte, aujourd'hui, nos machines, nos ordinateurs, ben, on leur apprend à apprendre, parce que c'est plus simple que de leur apprendre des éléments spécifiques, donc on anticipe jusqu'à, dans le fond, certaines évolutions qui sont en cours au niveau de la recherche, au niveau du développement actuellement, dans le fond. Oui, en fait, ça, c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on en arrive jusqu'à ces ordinateurs-là qui génèrent un peu leur propre intelligence en apprenant à même les gens qui vont être ce à quoi ils vont être exposés. J'ai l'impression qu'on on cherche, on va développer des choses, la science doit beaucoup à la science-fiction, mm-hmm. en ce sens que ce qui est imaginé, c'est dans cette direction-là que des scientifiques vont se mettre à creuser pour éventuellement le rendre réel. Il a fallu que Verne envoie quelqu'un dans l'espace, sur la Lune, pour qu'on finisse par avoir un homme qui marche sur la Lune, tu comprends? Fait que, à ce titre-là, je trouve que la science-fiction, c'est une espèce de fantasme, mais de ce vers quoi la science pourrait très bien aller. Et là, je trouve qu'on en a vraiment la preuve. Parce qu'alors que nous autres, on était vraiment on n'avait même pas d'idée jusqu'où ça pouvait aller. Et aujourd'hui, quand tu regardes moi qui ne suis pas un gamer, mais des jeux Grand Theft Auto ou Assassin's Creed, des univers comme ça où tu es un personnage et tu peux choisir la rue que tu veux pour aller te balader à telle époque. Mais écoute, c'est exactement Memoria. Bon, on n'a pas de casque sur la tête, mais je donne que quelques années. Et puis, on va l'avoir, ce casque-là, sur la tête. Donc, vraiment, la réalité a rattrapé notre fiction. Exact. Et en ce sens, en fait, autant, dans le fond, d'un côté, donc la science-fiction d'il y a 20 ans est toujours aussi actuelle, autant les questions, en fait, vous en avez mentionné plusieurs, il y en a d'autres aussi que je trouve particulièrement intéressantes. Tous les éléments où vous le disiez, dans le fond, à un moment donné, la créature, dans le fond, se rend compte qu'elle existe, et c'est à ce moment-là qu'elle devient, dans le fond, un être à part entière, et le regard qu'elle porte aussi sur les autres créatures qui, eux, n'ont pas conscience, dans le fond, de cette mise en abîme-là. Et l'usage parce que dans le fond, pour le contexte de l'auditeur, on est dans un parc d'attractions, dans le fond, Memoria, c'est un endroit où les gens vont prendre des vacances à travers la réalité virtuelle, et où, dans le fond, comme on leur explique clairement d'entrée de jeu, mais dans le fond, ces lieux-là ne sont pas réels, les gens qui les habitent ne sont pas réels, donc ce qui fait qu'on donne aussi la possibilité à l'humain de transcender des interdits sans conséquences réelles, et ça aussi, c'est un aspect que vous explorez, que vous mettez de l'avant dans cet album-là, donc comment, comme humain, on se comporte dans une situation. On a cette liberté-là. Exactement, puis c'est tout le rapport à la vie, en fait. Parce qu'étant donné qu'on suit un personnage qui, lui, va apprendre qu'il est fictif, mais donc il est programmé pour réagir comme un humain dans la vraie vie, sauf que ces joueurs-là, donc des espèces de touristes virtuels qui viennent visiter ce monde-là avec un avatar, eux autres, la mort, c'est simplement un « game over ». C'est tout. Ça n'a pas plus d'incidence que ça. Donc, c'est un rapport très différent à la vie, un rapport d'invincibilité, comme si ces gens-là étaient éternels, et la mort, c'est simplement de dire « OK, ciao, je revois tout à l'heure, je remets 25 sous dans la machine et je retourne. » Donc, c'est vraiment un autre rapport complètement, et c'est un peu ça qui est déstabilisant pour les personnages fictifs, c'est de voir qu'il y a des gens vraiment pour qui la vie n'est qu'un jeu. Et dans leur cas, c'est vraiment ça. Et toujours, en fait, dans la construction de personnages, à un moment donné, j'ose pas trop en dire non plus parce qu'il y a des beaux dévoilements. Ouais. Donc, je vais me limiter à la fin du premier tome sur les éléments narratifs. Mais justement, où à un moment donné, on prend ce personnage fictif, donc ce Benjamin Blake-là, et on choisit aussi de l'amener dans le monde réel. On trouve un ressort pour l'amener dans la réalité de ces joueurs-là. Et on peut exploiter, on peut anticiper, on peut vous suivre, dans le fond, dans l'exploration du choc que ça peut lui créer, de la réaction réactions que ça va lui amener aussi. Oui, en fait, ça a été tout un défi, ça, parce que comme on avait décidé d'installer notre histoire dans les années 30, des années évocatrices, évidemment, pour tout le monde, que ça soit intéressant pour des touristes de se rendre à cette époque-là, mais il fallait quand même, à ce moment-là, qu'on fasse comprendre un personnage issu de, même s'il est fictif, mais issu de cette époque-là, ce que pouvait être la réalité virtuelle dans son vocabulaire à lui, ce qui était assez complexe. Donc, il a fallu, donc à travers cette espèce de professeur Zalewski, un homme sorti un peu de nulle part, qui vit en marge du décor, carrément, qui, lui, va leur enseigner qu'il existerait une espèce d'autre dimension ailleurs. Mais eux n'ont pas les connaissances, même l'imagination, pour réaliser de quoi il s'agit. Donc, finalement, ils vont envoyer un personnage dans la réalité à travers un corps organique, là, un corps, le corps d'un touriste. Et donc, il va y avoir l'équivalent d'un astronaute, d'un de ces personnages fictifs-là, qui va mettre le premier pied, non pas sur la Lune, mais dans la réalité, pour ramener un peu l'information de ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Et donc, en fait, je pense que là, on touche un peu à la pointe de l'iceberg des éléments et de la richesse narrative de ce que vous amenez dans Memoria. Et à ça, j'imagine qu'il y a toujours le défi aussi de réussir à rendre ces éléments-là. Et là, d'un côté, dans le fond, on tombe, d'emblée, peut-être on parle des années 30. Ça nous permet de placer dès le départ une ambiance un peu à la film noir, dans laquelle on va insérer progressivement la technologie jusqu'à temps que celle-ci prenne de plus en plus de place aussi à l'intérieur de la structure du récit. Oui, en fait, ça a été... on savait que c'était un scénario complexe. On en était très conscients. De toute façon, Claude et moi, on est spécialistes dans les scénarios complexes. Ce qui fait que on a développé une espèce de vocabulaire de couleurs, des codes graphiques, pour essayer de rendre le tout limpide. Parce que, bien sûr, on a les années 30, qui sont ces années-là, donc une destination d'un jeu virtuel. On va avoir la réalité, qui, elle, se trouve dans ce qui est contemporain, même si c'est dans une espèce de futur technologique. Et à travers ça, il y a des mondes qui sont un peu entre les deux, parce que les personnages fictifs vont réussir à trouver des brèches dans leur décor pour pouvoir éventuellement se cacher. Les brèches dans le décor, c'est comme des endroits, c'est un peu comme si c'était l'écho du décor dans lequel ils peuvent entrer et où ils vont être à l'abri de tous les systèmes de sécurité. Et pour ça, donc, il a fallu qu'on trouve des astuces graphiques. Entre autres, on le traite en noir et blanc, carrément. Et on a d'autres scènes où j'ai vraiment décidé au niveau de la coloration. Comme je l'ai fait pour la majorité de l'album, les pages ont été teintes à la base. Donc, je n'ai pas travaillé sur papier blanc. J'ai vraiment teint chacune des cases et j'ai rajouté le blanc au pinceau après. Donc, j'éliminais le blanc de base. Donc, chaque fois qu'on rajoutait du blanc, ça devenait de la lumière sur le fond coloré. Et on a toutes des scènes qui ont été travaillées carrément sur fond noir. Donc, ça donnait vraiment ces espèces d'atmosphères très glauques et qui me permettaient de faire des huis clos avec des échanges assez philosophiques sur qu'est-ce que l'existence, est-il possible qu'on soit unique, est-il possible qu'un Dieu existe, etc. Et là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Mais mon Dieu, c'est donc bien complexe, dans le fond, cette BD-là. Ouais. » Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est justement, autant quand on s'y attarde, qu'on prend le temps de s'asseoir, d'en jaser, c'est effectivement, il y a une grande complexité. Et autant, vous et Claude Paiement, vous avez réussi à rendre ça limpide. Je veux dire, ça coule, c'est un récit qui est rythmé, c'est un récit d'action aussi par moment. Et il y a une clarté dans le récit. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, il y a eu le déclic où vous avez trouvé justement comment assembler tous ces éléments-là pour réussir à rendre cette trame-là perceptible, simple, efficace, tout en gardant la richesse de complexité qu'il y a derrière tout ça? Oui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est, à l'époque, là, faut remonter il y a 20 ans quand même, on avait nos petits clubs de lecture privés, des amis à qui on envoyait, en fait, on a envoyé les premières ébauches en leur demandant de lire et de prendre des notes en même temps à chaque page, chaque deux, trois pages, pour nous donner, écrire ce qu'ils avaient l'impression de vers quoi ça s'en allait. Essayer de voir si des fausses pistes fonctionnaient, essayer de voir si des fois ils étaient juste perdus, parce que évidemment c'est un scénario à clé. Le scénario à clé, le principe, c'est que je vais dévoiler une image. C'est un casse-tête, mais je m'arrange pour que chaque pièce que je donne sont vraiment dans des coins différents pour que l'image n'apparaisse qu'à la fin. Et donc, il faut faire attention pour que chaque image qu'on donne soit assez intéressante pour que les gens ne décrochent pas, même s'ils n'ont pas encore l'image complète de ce que ça va donner à la fin. Fait que tout ça, c'est un fin équilibre et... pour un projet aussi ambitieux que ça, on sentait vraiment le besoin qu'il fallait qu'on passe à travers par un espèce de club de lecture qui allait pouvoir nous confirmer qu'on s'en allait dans la bonne direction. Et tout ça dans le contexte, en fait, de la fin des années 90, et j'ai l'impression, en fait, que le contexte de création de l'époque, la maturité de la BD québécoise aussi à l'époque n'était pas nécessairement au même endroit dans notre relation avec l'Europe, entre autres. Je pense qu'il y avait une réputation qui était encore à faire dans la présence des éditeurs, dans l'omniprésence peut-être d'une bande dessinée peut-être plus humoristique. Est-ce qu'on avait l'impression à l'époque de se lancer peut-être un peu dans un ovni où on savait pas trop si justement on allait réussir à trouver une destination à ce projet-là? Oui, en fait, c'est un projet. Moi, c'est un projet sur lequel on a travaillé longtemps. Moi, j'ai commencé à travailler ça à la toute fin de Crow, je sentais moi qu'il fallait je m'en aille vers un projet un peu plus ambitieux. Mais il n'y avait aucun éditeur pour ce genre de truc-là, alors que c'était la majorité de ce qui se faisait en Europe, de la bande dessinée adulte. Au Québec, il y avait très peu d'éditeurs. Il existait les éditions Millet, entre autres, qui publiaient du 7-77 ans à l'époque, du jeunesse. C'était Lynn Arsenault, Tristan Demers, Paul Roux. Et donc, c'est un peu comme si la bande dessinée québécoise n'avait pas encore fait la révolution pilote que les Français ont fait dans les années 70. On n'avait pas encore assumé que la bande dessinée pouvait s'adresser à un lectorat adulte. Et de toute façon, le lectorat n'était pas encore prêt pour ça. Ce qui fait que nous, on s'est lancé là-dedans, on a eu une bourse en se disant, c'est sûr qu'un jour, il y a un éditeur qui va allumer et puis on aura notre projet. On est allé le présenter finalement aux éditions Millil et on s'est fait dire qu'on attendait un projet comme ça. Donc, Le naufragé de Memoria a été le premier titre qu'ils ont lancé chez 400 coups France, parce que les éditions Millil sont devenues les 400 coups entre-temps, mais c'était dans l'air du temps parce que coup sur coup, à quelques mois, voire quelques années, sont sortis Voro, sont avec La mort au diable, sont sortis qui est Grégoire Bouchard, Planète Twist, Martin Villeneuve, etc. Donc, il y a eu toute une série de titres qui ont démarré à cette époque-là et parallèlement, en même temps, commençaient des petits éditeurs qui s'appelaient La Pastèque, dont un auteur au nom imprononçable qui s'appelait Michel Rabagliati. Donc, en fait, c'est comme si on a vécu une espèce de chapitre un peu révolutionnaire dans notre bande dessinée au début des années 2000. C'est allé dans différentes directions, mais il y avait visiblement un besoin de renouvellement dans notre bande dessinée et ça a été insufflé, entre autres, par la recherche d'un lectorat adulte vers la série comme il se faisait en France, mais aussi donc l'autofiction, tout ce qu'on fait, Mécanique Générale, La Pastèque, Denis Beaulieu, etc. Et pour Jean-Paul Hyde, j'imagine que c'est un projet qui vient un peu ou qui s'inscrit aussi dans des éléments, dans des sujets qui vous intéressaient déjà à l'époque. Quand on parle du surréalisme, d'univers parallèle, ben on pense peut-être un peu à Jérôme Bigrand, où il y avait déjà des éléments qui se plaçaient. Donc, ce qui fait que Memoria n'arrivait pas de nulle part non plus dans votre parcours. Et quand on voit ce qui est venu par la suite, avec entre autres Le fond du trou et d'autres éléments, ben il y a une logique, si on peut dire, à l'intérieur de votre intérêt pour les mondes parallèles. C'est ce type oui, de récit aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est quand on a fait Memoria, à la base, on partait d'un scénario très méta-BD, comme je le faisais à l'époque. D'ailleurs, un des premiers scénarios qu'on a fait, grosso modo, c'était un personnage qui tombait sur, je pense, la dernière case ou la dernière page de l'album. Et donc, il apprenait par le fait même, en fait, qu'il était un personnage fictif. Donc, on était un peu dans cet univers-là, très méta-BD, comme ce que je faisais à l'époque avec Jérôme Bigrat. Et Marc-Antoine Mathieu sort l'Origine, gagne un Grand Prix à Angoulême, il nous coupe l'herbe sous le pied. Et c'était vraiment, c'est exactement ça le scénario. Et puis là, on s'est dit, waouh, on peut pas passer, ça passera pas inaperçu. En plus, c'est un immense, il est devenu l'immense auteur qu'il est aujourd'hui, gagnant d'un prix. Ce qui fait qu'on a repris notre scénario-là, un bon coup de déprime. Et le scénario, on l'a réinventé à travers la réalité virtuelle. Et c'est un peu comme ça qu'il s'est inscrit un peu de lui-même dans la science-fiction. Nous autres, à la base, on ne cherchait pas à faire de la science-fiction du tout. Même que je suis pas quelqu'un qui a fait ça, mais je te dirais que c'est le scénario qui nous a aiguillés vers ce genre-là que j'ai essayé tant bien que mal de maîtriser. Mais donc, à la base, c'était pas l'idée de faire de la science-fiction. C'est vraiment, on avait un scénario tourné autour de la méta-BD et qui nous a donc, par la force des choses, amené vers une vision technologique futuriste. Et dans lequel on retrouve, en fait, je perçois un peu des clins d'œil à cette méta-BD-là. Je pense, par exemple, à un moment où, sans dévoiler tous les moments, mais où Blake, justement, tombe sur les esquisses, le travail préparatoire au dessin qui a amené à sa création, eh bien, on nous renvoie à l'œuvre dessinée, dans le fond, à l'auteur de ce personnage-là, exemple. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce que je me suis aussi beaucoup posé comme question, étant donné que c'est de la bande dessinée, et puis je cherchais vraiment à faire une histoire qui soit pas une simple adaptation d'un scénario de film en BD, essayer de trouver la plus-value que pouvait m'amener la BD. Et dans l'emploi des outils au niveau narratif, par exemple, quand il y a un ordinateur qui est l'espèce de personnage omniscient qui habite tous les murs et les rues et les ruelles de cette ville-là et qui a le pouvoir de faire apparaître carrément des objets de décor, des tramways qui sortent des pavés, etc., plutôt que d'en faire comme on l'aurait fait de façon générique dans un film de science-fiction une espèce de sculpture 3D tout en structure de fil là, comme on a tendance à le voir en 3D en animation. Je me suis dit non, ce qui serait intéressant, c'est comme il est en train de créer par exemple de son propre chef un morceau de décor, c'est de le faire apparaître sous forme d'esquisse dessinée au crayon et qui, lentement, va s'habiller. Ou, au contraire, des personnages qui, plutôt que de s'effacer en se dépixelisant, vont revenir à l'étape du croquis pour disparaître. Donc, vraiment prendre l'analogie du dessin plutôt que de l'analogie de l'image de synthèse d'ordinateur. Oui, parce que de toute façon, en fait, c'est le médium lui-même, la BD est sur papier, dans une logique papier. Alors d'essayer d'aller chercher une logique qui n'est pas intrinsèque au médium, c'est moins intéressant que de voir de quelle manière des éléments qui s'expriment d'une façon X dans un médium, mais pourraient s'exprimer dans le médium papier, dans le médium BD. Oui, en fait, j'essaie toujours que mon dessin, que les astuces qui pourraient passer pour des gadgets, en fait, soient là pour soutenir le scénario. Que ça soit pas de l'artifice simplement pour faire de l'esbrouffe, là. Faut vraiment que ça soit là pour soutenir le scénario. Et dans ce cas-là, je trouvais que c'était parfait parce que comme on parle, c'est le dessin qui parle un peu de lui-même, c'est la création qui parle, la créature qui parle d'elle-même. Mais dans le cas d'une BD, c'est logique qu'on parle finalement, au bout du compte, de croquis, de crayons, d'esquisses. Et donc, en fait, beaucoup, beaucoup d'éléments à explorer à la lecture donc de cette BD. J'ai l'impression, Jean-Paulide, qu'on a juste touché une pointe de tout ce qu'on pourrait discuter autour de cette bande dessinée Memoria. Mais j'en garde un peu pour laisser les gens l'occasion, l'opportunité de la découvrir, si ce n'est déjà fait. Jean-Paulide, merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous. Merci, Raymond. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle Jean-Paul Hyde et Claude Paiement, donc auteur de cette bande dessinée Memoria. Donc, c'est du côté des éditions de la Pastèque. Et vous aurez compris, en fait, qu'il y a beaucoup de richesses dans cet album-là. Et on espère on vous aura envie d'y jeter un coup d'œil du côté de votre libraire préféré. Alors, on poursuit toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, ici à La Vie en BD. toujours à l'écoute de CKRL 89.1, toujours Trash 80 qui nous accompagne en 8-bit cette semaine. Et on se lance maintenant vers un autre sujet, donc des héros BD qui ne meurent presque jamais. Alors, pour contextualiser, vous le savez bien, on a commencé depuis l'automne dernier à donner des cartes blanches à nos collaborateurs et à nos anciens collaborateurs également. Donc, cartes blanches où on dit, essentiellement, parlez-nous de ce que vous voulez. Et, entre autres, dans les dons de cartes blanches, j'ai cogné à la porte d'un collaborateur de la première heure, en fait, qui était là dans les premières saisons de l'émission, en fait, littéralement, donc il y a 8 ans déjà. Et j'ai cogné à ta porte, Stéphane Gravel, et j'ai dit, t'attendrais-tu de parler de ce que tu veux tant que c'est de la BD? Tu me dis oui. Mais ça faisait longtemps là, que j'avais... ça fait longtemps que j'ai parlé BD. Puis, j'ai toujours aimé essayer de garder l'approche de la bande dessinée classique. J'aime beaucoup parler des classiques, parce que je trouve qu'on les oublie, on oublie ça. Et ça, c'est normal, on veut aller ailleurs, on veut voir d'autres choses. La BD, ça fourmille, il y a toutes sortes de choses, il y a des choses extraordinaires, mais souvent, on a tendance à... je trouve à bouder un peu certains classiques, puis les mettre de côté, et puis d'aller vers ce qui est plus intéressant, vers ce qui est plus moderne, vers ce qui est plus recherché, vers ce qui est plus livre d'auteur, ou encore ce qu'on va appeler roman graphique. Mais la BD fondamentale, les petits bonhommes, là, les Astérix, Tintin et compagnie, ça reste des grands classiques, mais qu'on oublie. Qui s'amuse à se réinventer puis à évoluer de plus en plus ces dernières années. Mais peut-être pour te lancer au départ, en fait, parce que je pense qu'on va y venir justement à ces vues-parts, ces jeux de réinvention. Mais tu m'avais dit, dans le fond, peut-être commençons par essayer de parler de Bob Kane puis de Hergé. Bon, déjà... puis tout ça part, comme je l'ai dit tout à l'heure là, en ouverture d'émission, tout part de la relecture que j'ai fait de Blueberry. Blueberry est sorti, des nouveaux auteurs, il y a Blain et Sfar qui travaillent sur cet album-là, ils font un album, on aime, on n'aime pas, mais ça fait un déclic dans mon cerveau, j'ai dit, c'est tout à fait américain ça. C'est-à-dire, Bob Kane n'a jamais été attaché à son personnage de Batman comme Hergé a pu l'être. Et pourtant, c'est des personnages qui sont à peu près contemporains. Ils ont une dizaine d'années de différence. On peut compter le nombre d'aventures de Tintin. Il y en a quoi? Il y en a 24 en bande dessinée, quelques-uns au cinéma. Dis-moi donc, Raymond, combien il y a de Batman? Enfin, au cinéma, ça se compte quand même bien. Il y en a peut-être une dizaine, mais en BD, là, c'est que la bande dessinée aux États-Unis a eu une démarche qui était plus populaire. On faisait des petits pulps, on faisait des petites BD qu'on achetait à la semaine et qu'on jetait. Et tandis que du côté européen, il y a eu plus une approche où c'était quelqu'un qui faisait une bande dessinée qui avait une approche et qui avait une approche d'auteur. Je suis pas convaincu que oui, peut-être aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup son nom, mais que Bob Kane est autant un auteur que Hergé, je pense pas. Hergé avait un univers qui était à lui, qui a campé. Il a contrôlé énormément son personnage. Il a contrôlé qui allait dessiner son personnage. Il a contrôlé qui allait continuer à faire son personnage quand lui ralentissait un peu. Et jamais personne n'a repris officiellement, en tout cas, il y a eu des pastiches, mais jamais personne n'a repris et va reprendre, je pense, officiellement, Tintin pour continuer une aventure. Enfin, j'imagine que la seule circonstance où on verrait un autre Tintin, c'est à l'époque où, s'ils font rien, ils vont perdre les droits sur le personnage. C'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura peut-être quelque chose. Peut-être. Et probablement qu'ils vont sortir quelque chose des archives, là. Mais tandis que si on prend un autre personnage européen, Astérix, c'est un peu la même chose. Bien que Astérix, aujourd'hui, est une nouvelle paire d'auteurs, ça a été long avant qu'on décide de passer la main à quelqu'un puis qu'on essaie d'avoir qu'on recrée le personnage. Peut-être à l'inverse, à l'instar d'autres séries, en fait, quand on pense à Spirou et Fantasio, où là, justement, il y a quand même une rotation d'auteurs régulière, compartiments Astérix ou à Tintin où leurs créateurs sont restés longtemps, voire sur toute la vie du personnage attaché à ce personnage. Donc, déjà, il y a des dynamiques différentes. Exactement. Ça. Spirou et Fantasio étaient les personnages d'un magazine avant tout. Et puis, même si il y a eu une rotation d'auteurs, il y a toujours eu quand même une approche où c'était une approche qui restait périodique. On dirait que les auteurs se fatiguaient puis voulaient faire autre chose. C'était Spirou et Fantasio servaient un peu de tremplin, mais ça restait quelque chose qui était quand même campé dans un univers qui était à la suite de Spirou et Fantasio. Et là, on embarquait ou on n'embarquait pas parce qu'on on aimait ou pas Nick Cauvin, ou on aimait ou pas Fournier. On était resté accroché sur Franquin, mais n'empêche qu'il y avait une linéarité là-dedans. Qu'il y avait peut-être moins de différence d'un album à l'autre entre, par exemple, jusqu'à un certain point, les Batman. Là, quand on tombe dans certaines années où là, on exploite certains aspects du personnage, on va à fond sur un élément, sur un autre, il y a à un moment donné beaucoup plus d'éclatement. C'est sûr qu'il y a je crois aussi la... pas je crois, mais il y a la fréquence. C'est-à-dire que le Batman, là, il va sortir ton 32 pages tous les mois, puis il va sortir chez Batman, il va sortir chez Detective Comics, il va sortir à côté sur Justice League. Il y a une quantité énorme de pages qu'ils font. C'est impossible humainement de faire ça à une personne seule. Il faut être une équipe pour faire ça, là. Mais il faut abandonner son personnage et le laisser vivre. Et c'est là que ça devient, que c'est devenu intéressant. Oui, parce que finalement, il y a un peu dans ce que tu nous dis, il y a deux approches, au bout du compte. Il y a l'approche Hergé, où on a un père qui est un peu protecteur, qui garde son personnage, qui met des balises. Oui. Et à l'inverse, en fait, on a des personnages qui appartiennent peut-être plus à un collectif, à une compagnie, un Batman qui dépasse de facto son créateur parce qu'il appartient à DC, au bout du compte. Il appartient pas d'abord à Bob Kane. Bob Kane est le créateur, mais il est pas nécessairement le propriétaire. Exactement. Ce qui fait que c'est des personnages qui prennent leur envol et qui deviennent quelqu'un, entre guillemets, indépendamment de celui qui l'a créé ou de son auteur. Ce qui est plus difficile dans la BD européenne. Et on parlait de Spirou et Fantasio tantôt. C'est vrai que Spirou et Fantasio est passé à travers plusieurs mains, mais on a quand même... Les éditions Dupuis ont décidé à un moment donné de faire les Spirou et Fantasio vu par. Et là, on a réussi à créer une collection où on pouvait se permettre de redéfinir le personnage de Spirou, et on pouvait se permettre de redéfinir un peu cette histoire-là. Et là, je pense que là, les éditions Dupuis ont ouvert une porte, parce que ça a bien fonctionné. Le Spirou de Bravo est extraordinaire. C'est le chef-d'œuvre. Ça faisait longtemps que ça avait été fait chez Batman, là, avec Miller. Là. Il avait complètement repensé le personnage. De toute façon, DC... C'est le modèle de cette réinvention-là. Et je m'étais toujours dit, en fait, Stéphane, que le fait d'avoir commencé ça peut-être avec Spirou et Fantasio dans les vues-parts, dans les réinventions, dans les offres de se réapproprier l'univers, venait un peu de soi parce que c'était une série qui avait déjà été celle de plusieurs auteurs, même si l'univers était, comme tu l'as dit tantôt, était quand même clairement campé, attaché. Oui, puis je pense que c'était, en toute honnêteté, c'était le temps de que ces personnages-là aient de nouvelles vies puis qu'ils se renouvellent, parce que c'est des personnages qui sont forts. On peut pas mettre de côté un personnage comme Spirou qui a 70 ans, 75 ans, comme un personnage de Batman qui a 80 ans. Blake et Mortimer. Blake et Mortimer a d'ailleurs été un peu aussi au début de ça. Jacob était quelqu'un qui était attaché à sa série, mais qui n'a jamais été contre l'idée que quelqu'un d'autre puisse continuer la vie de ses personnages. Ça a été long, ça a pris du temps, mais c'est un peu un coup du hasard quand Sent a repris le scénario de la machination Voronov. Je pense qu'il s'est passé quelque chose là, dans la bande dessinée dite d'auteurs européens. Ils se sont rendus compte que, OK, les personnages peuvent vivre avec quelqu'un d'autre, ils peuvent vivre avec une redéfinition un peu de leur caractère. C'était beaucoup encore du Blake et Mortimer, mais ça a donné que ce Sent-là, il était directeur d'édition chez Le Lombard. Fait qu'il a pu, après ça, il a repensé à des façons de reprendre 13 en faisant des séries parallèles. Il a pensé à des façons de reprendre Torgal en faisant les aventures des amis et des... Bon, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup parce que ça fait une BD extrêmement commercial, mais il a ouvert la porte à une pluralité de c'est un mot qui n'existe pas, mais qui fonctionne bien, mais à tout éparpiller ces personnages de bande dessinée-là, puis d'ajouter des auteurs différents et d'avoir des visions différentes d'un même personnage. Donc, de bâtir un peu des univers, en fait. Donc, tu as l'impression que c'est un peu avec, justement, l'arrivée de Sand sur Blake et Mortimer qu'on a fait peut-être un deuxième vrai pas en BD européenne en disant, ben, nos personnages peuvent être porteurs d'univers, qui peuvent être porteurs d'une pluralité de vision et que commercialement, ça se tient. Oui, je pense que ça a été une espèce de petit trésor qu'ils ont trouvé parce que ça a été un album aussi assez remarquable, La Machination Voronov. Là, ils sont pas passés à côté. Puis ça a redonné vie à cette série-là, là, qui, elle, par la suite, a été prise par plusieurs personnes parce que à l'instar de la BD américaine, on n'était pas capable de suivre le rythme que Jacob avait. Jacob était un homme tatillon qui travaillait sur ses albums. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de faire ce qu'il faisait. Ils sont obligés de mettre un auteur sur un album et un autre auteur sur l'autre pour pouvoir avoir un rythme de sortie qui est intéressant. Mais Jacob, il sortait ses albums quand il voulait, puis il travaillait sur ses albums comme il voulait aussi. Et là, je pense que en ajoutant comme ça des auteurs, là, on s'est rendu compte, ah, OK, on peut commencer à faire raconter les histoires par d'autres personnes et on peut donner comme ça la vie au personnage et non plus la vie à celui qui fait le personnage. Je ne sais pas si on peut donner Gaston à quelqu'un d'autre que Franquin. Mais on dirait que l'humour peut-être se prête un peu moins que des BD plus d'aventure, des ambiances, des styles. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me semble indissociable et c'est là qu'on a, malgré que ce soit une BD commerciale, populaire et tout, qu'on a une réelle bande dessinée d'auteur. Maintenant, mais t'amènes un point intéressant parce que, et là je te coupe un peu, mais dans le fond, exemple Astérix, exemple dans d'autres séries un peu comme ça, où on a une tonalité, un ton, une présence d'humour, dans le fond, c'est qu'on se retrouve dans une dynamique où il y a le côté esthétique qu'il faut garder, sur lequel il faut travailler, que l'identité des personnages, la nature des héros, mais que le ton aussi devient lui-même un personnage. Astérix, sans les jeux de mots de Goscinny, exact. C'est pas Astérix. Là. Exact. Mais c'est là toute la difficulté qu'on a à avoir un Astérix aujourd'hui auquel on prend autant de plaisir que celui qui a 40 années. Ans. Mais donc, il faut briser le moule. Il faut réussir à tout casser, presque, et à recommencer et à souhaiter que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on fait Svar et Blin pour faire le Blueberry. Mm-hmm. Parce que ce Blueberry-là va être autant détesté qu'il va être aimé, je pense. Parce que, bon, la série Blueberry est une série qui est, à mon avis, assez extraordinaire dans le milieu de la bande dessinée. J'en ai relu plusieurs avant que celui-là sorte pour me remettre dans le bain parce que c'est le genre de BD qu'on connaît même si on n'a pas lu, qu'on a l'impression qu'on a lu même si on les a pas lus et qu'on n'a pas vu le film. Puis, c'est ça, on a l'impression qu'on connaît bien l'univers de Blueberry, mais j'ai lu ça, j'étais jeune et là je le relis aujourd'hui puis je vois l'intelligence des scénarios de Charlier qui sont extraordinaires. Le dessin de Giraud est extraordinaire, c'est hallucinant aussi. Puis ça évolue tout le long de la vie du personnage, les histoires évoluent. À l'époque, quand on faisait Blueberry pour pilote, puis il faisait 2-3 pages pour le mensuel. Puis il se préoccupait pas du 48 pages. Ça a été dans les premiers à penser à faire la BD pour la suite consécutive de l'histoire, mais sans se préoccuper du 48 pages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit tu fais un 48 pages, on découpe le 48 pages en 12 mois, puis tu vas me le faire ou en 12 semaines, puis ça va sortir. Eux autres, ils se préoccupaient pas de ça. C'est pour ça que les albums de Blueberry ont des cycles. Il y a ça peut prendre 3 albums pour avoir un premier cycle, 4 albums pour le deuxième, parce que on avançait. Chaque fin d'un album de Blueberry, t'es jamais content parce qu'il n'y a jamais de réelle fin. Donc, c'est une longue et grande aventure tout le temps que ces deux individus-là ont travaillé là-dessus. Là, maintenant, quand Charlie est décédé, ils ont décidé de continuer la série avec d'autres auteurs, mais on a fait des petites séries un petit peu parallèles. Hein. C'est Mr. Blueberry ou c'est la jeunesse de Blueberry qui avait été commencée. Pas trop se lancer, garder une certaine distance, parce que quand on s'attaque à la série principale, il faut avoir de quoi offrir. Là. Absolument, puis il faut rester dans l'esprit. Il faut rester dans le personnage, il faut pas choquer personne. Et ça a été comme ça longtemps. Et là, je pense qu'avec quand on parlait de la machination Voronoff tantôt, qu'on parle des Spirou Vupart, qu'on parle du Tif étendu de Blutch qu'on va voir qui va paraître bientôt ici, ben là, on arrive avec un Blueberry qui est dans cette lignée-là. Oui, mais en fait, je pense que la notion des vupères aussi a beaucoup décomplexé, j'ai l'impression, l'accessibilité de l'univers ou le fait de pas s'entendre obligé à se cantonner sur certains principes graphiques ou narratifs, donc de pouvoir aller un peu plus loin, soit s'en rapprocher, mais le Spirou d'Émile Bravo, par exemple, où on est littéralement dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même loin, entre guillemets, de certains éléments de la série classique. Dans certains cas, comme Spirou, la série classique évolue à côté de la série des Vupart. C'est la même chose avec Lucky Luke et d'autres. Mais les Vupart, souvent, vont nous amener complètement ailleurs, dans le fond, tandis que les auteurs de la série classique qui ont repris les personnages doivent un peu se cantonner à peut-être un peu moins d'éclatement, d'aller chercher d'autres types de ressorts narratifs pour aller stimuler aussi, permettre à cet univers-là d'évoluer, mais dans un contexte peut-être un peu plus... déterminé. Mais là, tu vois, c'est tu parles de Spirou et Fantasio, là. Oui. C'est le meilleur des deux mondes, là. Exact. Parce qu'on continue la série, on est sûr, on a un pied à terre. C'est Blake et Mortimer, c'est très solide. Mickey Luke aussi. Mais quand on fait le Spirou Vupart, on prend des risques. Exact. Mais c'est pas grave. Parce que l'autre à côté, il va. Exact. Tandis qu'avec Blueberry, on n'a pas passé par le Vupart. Non, non. Là, on continue la série, mais on continue pas la série. On revient un peu on n'est pas Blueberry n'est pas rendu où il était rendu quand la série s'est terminée. On revient en arrière, on est un peu dans les premiers albums à peu près là, et on recommence entre guillemets avec Blueberry, mais c'est pas non plus un nouveau personnage, puis c'est pas un personnage qu'on redessine globalement, mais c'est Johann Sfar qui scénarise ça là. Donc, c'est sûr que Blueberry, là, il n'y a plus la dimension western de John Ford et de Jean-Paul Belmondo qu'il y avait dans les années 60. Là, il y a un petit peu plus de profondeur, il y a plus de doutes, il est un petit peu plus malhabile, il est un peu plus sale, mais on n'est pas dans l'extrême. C'est-à-dire qu'on prend pas le personnage pour le chiffonner, le déchirer, le détruire et en faire un nouveau, là. Et je pense que les Sfar a donné une dimension à son histoire et une dimension à ses personnages qui est plus proche de l'humain et plus proche de la réflexion. Et ça, je trouve ça intéressant. Et le contexte politique que vit Blueberry aux États-Unis est exactement la même chose qu'on peut vivre aujourd'hui. Là. C'est pas nécessairement aux États-Unis, mais c'est toute la problématique de la cohabitation entre les individus là, qui se passe là-dedans. Là. Puis c'est intéressant, je trouve, en fait, ce type d'a priori-là, parce que sinon, tu sais, à chaque album, puis on parlait des Astérix tantôt, mais la question, c'est toujours, dans le fond, moi, mon temps de lecture d'un Astérix, est-ce que ça va être de lire le nouveau qui est sorti ou de retourner lire la Zizanie, de retourner lire le Tour de Gaulle? Il y a toujours la question, parce que les œuvres, puis c'est le cas aussi de Blueberry, mais les originaux sont encore disponibles, c'est toujours édité, Dieu merci. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va investir le temps de lecture plutôt que de relire des chefs-d'œuvre, ben, d'aller vers, justement, cette nouveauté-là? Au-delà de la curiosité de voir de quoi cette nouveauté-là a l'air. C'est sûr que dès le départ, c'est la curiosité qui va nous amener puis qui va faire qu'on va vouloir aller là. Mm-hmm. Ensuite, tu peux te dire que c'est un peu du réchauffé. Je veux dire, on reprend une recette, on la réchauffe. Moi, je m'attendais à ça. C'est ce que je m'attendais à ça. J'ai lu des commentaires où on trouve que Blin s'est pas dessiné. On est très négatif par rapport à cette approche-là, de reprendre un personnage qui, lui, avait une vie et a existé, et cette vie-là, elle est terminée. C'est-à-dire, il n'existe plus Blueberry. Son auteur est décédé, son dessinateur a lâché la série. On n'en parle plus, c'est fini. Ça, on était jusqu'au bout, dans le fond, de cette version-là du personnage. Et non, il n'y a pas été. Okay. Non, voilà. Il n'y a pas été. Parce que cet album-là est, pour moi, un album qui est très intéressant dans l'approche où on reprend un personnage comme Blueberry et qu'on le fait, on l'amène vers une nouvelle aventure, on l'amène dans une nouvelle dimension au niveau de la modernité des textes, la modernité des cadrages, le trait de Blin qu'on peut reprocher de vouloir imiter Blutch, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est fondamentalement senti et il y a beaucoup d'amour de la part des auteurs là-dedans. Ce n'est pas un coup de marketing pour la maison d'édition. Il y a quelque chose dans cet album-là. C'est le premier et je suis content parce que je vais relire les Blueberry et est-ce que tu vas lire les vieux ou lire celui-là? Il faut que tu lises les deux, là. C'est aussi bon que c'était bon. Parce qu'on reprend le personnage, on le fait évoluer, on l'amène ailleurs. Parce que c'est bon, c'est bien écrit. Parce que c'est un bon personnage au départ. C'est ça. C'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est bien amené. Tu restes dans un climat Blueberry, mais c'est pas Blueberry, parce que Blueberry, c'est vieillot. Là, c'est plus vieillot, c'est comme un super bon remix des Beatles. Et en fait, c'est intéressant comme parallèle, parce que c'est toujours un peu la grande question. En fait, est-ce qu'un remix des Beatles, est-ce que ça passerait aussi? On a peut-être moins la culture musicale. Là, on pose des questions, mais on n'aura pas le temps de toute façon d'y répondre. Mais dans le fond, de ce que j'en comprends, peut-être la conclusion simple de cette carte blanche-là, Stéphane Gravel, c'est que tu nous dis, regardez, le nouveau Blueberry, si vous hésitiez, allez-y, lisez-le. On n'hésite plus. Et je pense que l'autre truc aussi, c'est que la BD, j'ai eu l'impression il y a une dizaine d'années que la BD est en train de souffrir d'un manque de scénario, d'un manque de on n'avait plus la richesse de la BD qu'on avait, puis là je pensais que j'étais vieux puis que j'étais plus capable de lire la bande dessinée, mais là je trouve qu'aujourd'hui la bande dessinée est en train d'avoir un souffle de jeunesse. Oui, elle fait peut-être un peu comme le cinéma, elle reprend des vieux films, elle les refait, mais c'est pas tout à fait ça, là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, Stéphane Gravel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se dit à bientôt. Oui, absolument. Alors voilà, donc Stéphane Gravel et sa carte blanche, c'est ce qui conclut cette édition de La vie en BD. La semaine prochaine, on se met en mode de club de lecture autour de bandes dessinées qui s'intéressent aux sentiments amoureux. On fait la Saint-Valentin en retard. Alors, ce sera le menu pour la semaine prochaine. D'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.